Chapitre 9. Puis le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. On lui donna la clé du puits de l'abîme. L'étoile ouvrit le puits de l'abîme. Il en sortit une fumée semblable à la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions. On leur dit de ne pas faire de mal à l'herbe, ni à aucun arbre, ni à aucune autre plante, mais seulement aux hommes qui ne sont pas marqués au front du sceau de Dieu. Les sauterelles ne reçurent pas la permission de tuer ces hommes, mais seulement de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent par leur torture est semblable à celle qu'un homme éprouve quand il est piqué par un scorpion. Durant cette période de 5 mois, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur leur tête, il y a comme des couronnes d'or, et leurs visages sont semblables à des visages d'hommes. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes, et leurs dents sont comme celles des lions. Sur leur poitrine, il y a comme des cuirasses de fer, et le bruit produit par leurs ailes est semblable au bruit de nombreux chars tirés par des chevaux qui se précipitent au combat. Elles ont des queues et des aiguillons comme en ont les scorpions, et c'est au moyen de leurs queues qu'elles ont le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles ont à leur tête un roi qui est l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, ce qui signifie le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 autres malheurs doivent encore venir. Puis, le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venir des coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. La voix dit au sixième ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. » On libéra les 4 anges. Ils avaient été préparés précisément pour cette heure, de ce jour, ce mois et cette année, afin de faire mourir le tiers de l'humanité. On m'indiqua le nombre des soldats à cheval. Ils étaient 200 millions. Et voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci avaient des cuirasses rouges comme le feu, bleues comme le saphir et jaunes comme le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de la bouche des chevaux. Car le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et aussi dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes dont elles se servent pour faire du mal aux hommes. Le reste de l'humanité, tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ces hommes ne se détournèrent pas non plus de leur meurtre, de leur magie, de leur immoralité ou de leur vol.